Bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Dio 89.5. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices et à Samuel donc, qui fait la technique aujourd'hui. Merci d'accueillir le Grémos pour cette émission mensuelle, le troisième jeudi de chaque mois. Et merci à Catherine et Juliette. Comme il est encore temps de souhaiter la bonne année, je tiens à le faire au nom de toute l'équipe du Grémos à tous. Donc le Grémos, groupe d'études et de recherches sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui vous entretient neuf mois par an depuis plus de 10 ans sur la recherche en histoire ouvrière et particulièrement dans l'espace du bassin stéphanois. Donc nous retrouvons aujourd'hui un partenaire qui nous est cher, les archives municipales de Saint-Étienne. Chères car elles font partie des fondateurs du Grémos en 2007, j'aime bien le rappeler quand même, et parce qu'elles ont régulièrement travaillé avec le Grémos et parce que le Grémos fréquente les salles des archives municipales. Depuis septembre 2021 exactement, les archives municipales proposent une exposition, alors il est midi, exposition qu'on va dire alléchante, intitulée « Qu'est-ce qu'on mange ? Nourrir la ville ». Et une exposition qui sera visible jusqu'au mois de juin 2022. Nous sommes aujourd'hui donc avec les deux commissaires de l'exposition, Juliette Morin et Catherine Alisson. Bonjour à toutes les deux et je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par Catherine en suivant l'ordre alphabétique. Bonjour, oui, je suis aux archives en tant que chargée des projets culturels. Sur l'exposition en cours, j'ai fait le travail de recherche, de dépouillement des archives. Et actuellement aussi, je travaille sur la valorisation de cette exposition à travers la mise en œuvre d'une programmation. Et là, vous recevez des publics Alors, on a des classes et puis des publics individuels qui viennent... de façon soit libre, soit à l'occasion de visites guidées qui sont proposées un mercredi par mois. En général, c'est le premier mercredi de chaque mois à 15h. D'accord. Juliette. Bonjour. Donc moi, c'est Juliette Morin et je suis responsable du service de l'action culturelle et de la médiation aux archives municipales et métropolitaines depuis peu. Donc on tient à l'ajouter parce que l'enjeu métropolitain était assez fort dans le travail autour de cette exposition. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, il faut rappeler que les archives sont municipales au départ et que maintenant, elles concernent les 53 communes de la métropole. Le service a été mutualisé, voilà, effectivement, ça. Depuis septembre dernier. C'est un point important, notamment pour les chercheurs. Alors, Catherine et Juliette, comment vous est venue l'idée de ce sujet ? Juliette, peut-être ? Alors, je vais essayer d'être rapide. Hein. C'est vrai que comment nous viennent les sujets, ça n'est pas toujours des choses qui nous viennent naturellement. C'est le fruit de la convergence entre des différentes choses. Et il peut y avoir l'opportunité d'un fonds. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on avait rentré depuis peu un fonds sur les abattoirs. Donc, ouais. C'est vrai que ça concerne un petit peu... ça fait partie des sujets que l'on aborde dans l'exposition. Également, il se trouve qu'en 2007, les archives avaient déjà présenté une exposition sur ce thème qui s'appelait Archives gourmandes, qui s'intéressait vraiment aux pratiques culturelles aussi des Stéphanois et à ce qu'il y avait dans l'assiette, aux recettes. Alors, on s'est dit que c'était un sujet vaste et très intéressant et qu'on pouvait choisir de l'aborder sous un autre angle, plutôt un angle sociétal. La question de comment on fait, comment collectivement on s'organise, comment une ville s'organise pour nourrir ses habitants. Voilà, donc c'est un petit peu le parti pris qu'on a choisi. On a démarré à travailler sur ce sujet au tout début de l'année 2020. Et très vite, les événements qu'on suivit nous ont donné raison. On s'est rendu compte que c'était un véritable sujet de société et d'actualité. Tout à fait. Donc l'actualité et l'histoire vont se rejoindre dans ce sujet qui a traversé tout le 19e siècle et tout le 20e siècle. On aura l'occasion d'en parler. Donc il est question... aussi, d'après ce qu'a dit Juliette, d'un rôle citoyen des archives. C'est informer, c'est conserver, mais c'est aussi informer les citoyens sur ce qu'a été leur histoire et ce que vous conservez comme document. Oui, Catherine. Absolument. En fait, si on revient sur le titre de l'exposition, « Qu'est-ce qu'on mange d'ouvrir la ville ?», c'est une véritable interpellation. une interpellation qui nous questionne. En fait, l'idée, c'était bien de nous questionner tout un chacun sur nos pratiques. Et c'est ce que va montrer l'exposition. Et aussi, bien sûr, de questionner les politiques publiques mises en œuvre. Et ça passe par la valorisation de fonds qui nous sont versés et qui, à l'occasion des expositions, vont être présentés à la connaissance de tous. D'accord. Et donc, il y a quelques thèmes importants sur lesquels nous allons revenir. Vous avez commencé par l'écosystème alimentaire stéphanois. Il y a le thème distribuer et s'approvisionner, le thème produire et transformer, la question de la sécurité alimentaire et la question de l'action sociale de proximité. Alors, on ne va pas tous les prendre les uns après les autres, mais on va revenir quand même sur certains d'entre eux. Vous introduisez donc votre exposition par ce que vous appelez l'écosystème alimentaire stéphanois et sur lequel vous décrivez un peu l'espace, l'environnement naturel de la ville et dans lequel vous parlez un peu des circuits courts. C'est bien ça. Alors, on va y revenir tout de suite. On va d'abord écouter une chanson qui n'est pas du tout stéphanoise, une chanson créole, qui une chanson de Edmond Mondésir qui s'appelle « Manger PIA ». Excusez-moi pour l'accent. Apprendre manger, manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger, manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger, manger PIA. Manger PIA qui bon pour nous. Apprendre manger, manger PIA. Manger PIA bon pour nous. Apprendre manger, manger PIA. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Banane noire, c'est bon manger. Apprendre manger, manger PIA. C'est pas pour exporter seulement. Apprendre manger, manger PIA. Fruits à pain, c'est bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Dashi noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger PIA. William noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Crébèche noire, c'est bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Poisson noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger, manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger, manger PIA. Ni moun ka produyan PIA. Apprendre manger, manger PIA. Ni moun ka défend PIA. Apprendre manger, manger PIA. Ka défend produit PIA. Apprendre manger, manger PIA. Ka étudier produit PIA. Apprendre manger, manger PIA. Qu'a préparé manger PIA. Apprendre manger, manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger, manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger, manger PIA. Manger PIA qui bon pour nous. Apprendre manger, manger PIA. Manger PIA bon pour nous. Apprendre manger, manger PIA. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Belle manger, ni bon manger. Apprendre manger, manger PIA. Tout pays a yo connaît ça. Apprendre manger, manger PIA. Tout pays a ka fait pour ça. Apprendre manger, manger PIA. Yo ka manger, manger yo ni. Apprendre manger, manger PIA. Allez Mexique ou que ouest ça. Apprendre manger, manger PIA. Allez Dominique pour ça ouest ça. Apprendre manger, manger PIA. Allez Saint-Lucie pour ça ouest ça. Apprendre manger, manger PIA. Venezuela ou que ouest ça. Apprendre manger, manger PIA. Aïe Canada constate ça. Apprendre manger, manger PIA. Tout pays a yo connaît ça. Apprendre manger, manger PIA. Tout pays a ka fait comme ça. Apprendre manger, manger Eh bien, vous l'aurez compris, grâce à Edmond Mondésir, il est question de manger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange ? Nourrir la ville. Nous parlons avec Juliette Morin et Catherine Alisson de l'exposition des archives municipales. Et nous allons commencer par le thème de l'écosystème alimentaire. Alors, juste quelques mots. Saint-Étienne, c'est une ville très récente. Elle a à peine deux siècles en tant que grande ville. Et au départ, c'est un bourg qui est vraiment entouré d'un espace rural assez proche. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par écosystème alimentaire, si j'ai bien compris, vous le poursuivez jusqu'à aujourd'hui, cette notion d'écosystème alimentaire? Alors, effectivement, le mot d'écosystème, pour nous, il recouvre un petit peu ce qu'on a voulu exprimer sur en essayant de répondre à la question comment s'organise l'approvisionnement, la distribution, mais aussi la production dans un territoire donné, et comment s'organisent les différentes institutions et les différentes associations aussi dans un ensemble fermé, qui fonctionne, qui permet de répondre à ces enjeux de l'alimentation pour tous. Donc effectivement, on a envisagé cet écosystème un petit peu comme fil rouge de l'exposition, et aussi avec l'envie de faire vraiment dialoguer la ville et son environnement territorial. Il y a vraiment une question d'échelle territoriale aussi qu'on a voulu amener dans le parcours. Montrer que selon ce dont on parle, on ne va pas avoir le même regard sur le territoire. On va avoir l'échelle de la ville, on va avoir l'échelle de la périphérie, de la métropole, dans laquelle on va déjà trouver des agriculteurs qui produisent. Et puis on s'est rendu compte que pour faire sens, il fallait parler de l'échelle du département et de la Loire, notamment pour parler de l'identité agricole qui peut nourrir la ville. Alors en fait, quand je parle de bourg rural au XIXe siècle, on a des paysans qui sont très proches et qui vont venir, je dirais spontanément, parce qu'ils doivent vendre leurs produits. Il n'y a rien d'organisé. C'est vraiment une initiative individuelle qui démarre à ce moment-là. Il faut nourrir ses habitants et puis il faut écouler les produits. Mais petit à petit, on va le voir, au XIXe siècle, l'approvisionnement s'est fait de plus en plus... On est allé chercher de plus en plus loin. Mais aujourd'hui, on parle de circuit court, Catherine. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un peu, bon, j'exagère sans doute, mais à une vision originale de ce qu'était la ville avant son grand développement? C'est vrai que cette notion nous renvoie à une des formes les plus anciennes de commerce, voilà, qui était le marché de plein vent, où effectivement, les paysans... à proximité des habitants, venaient apporter leurs produits. Donc cette notion de circuit court qui a une définition qui exprime l'absence d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur, elle a son origine effectivement dans ce que vous décriviez. Elle existe toujours, même si les marchés sont peut-être, en tout cas, certains marchés de quartier un peu déclinants. Et elle se construit aujourd'hui, ou elle se présente aujourd'hui comme une forme de commerce alternative, avec des propositions qui... qui mettent le consommateur en position d'acteur. Je pense par exemple aux AMAP, qui sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui veulent valoriser une agriculture qui est selon un modèle qui respecte le développement durable, qui ne soit pas, pour faire court, qui ne soit pas industriel. Mmh. Et ce soutien aux producteurs s'exprime par la mise en place d'une forme contractuelle de commerce. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on achète par avance des produits et le producteur s'engage à livrer ses paniers. Donc effectivement, cette notion de circuit court, elle a toujours existé. Elle revient. Elle revient comme étant de nouvelles formes comme étant des modèles alternatifs et en utilisant les technologies nouvelles, par et exemple, en utilisant les technologies nouvelles comme les plateformes en ligne, voilà, qui permettent ça, de commander. Ouais. Oui, effectivement. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les marchés, les AMAP, les ventes donc par panier, les magasins de producteurs aussi, qui sont présents sur le territoire. Il y en a un à Saint-Étienne, c'est au terroir. Il y en a d'autres sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Donc il y a différentes formes de relations directes. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'était particulièrement développé dans la Loire. et notamment sur Saint-Étienne Métropole. Si l'on en croit les études qui sont faites, par exemple, à l'échelle nationale, les circuits courts, ça représente 15% des achats des Français. Au niveau de la métropole, c'est 38%. Ah oui. Donc, ça fait une sacrée différence. Oui. Et ça peut s'expliquer justement par, comment dire, par cette particularité que la ville est entourée encore de nombreuses fermes, mais qui sont des petites fermes et qui valorisent plutôt les circuits courts que les circuits longs. D'accord. Donc, il y a une tradition, effectivement, qui a évolué, mais qui s'est maintenue. Oui, et, on peut dire. Et qui fait que Saint-Étienne a, en tant que ville, une particularité, quand même. Je pense, oui. Alors, ces circuits courts, on y reviendra peut-être quand on parlera des acteurs qui vous ont aidé dans la construction de l'exposition. Mais évidemment, ils sont petit à petit, les circuits courts traditionnels, ils se révèlent insuffisants à partir du moment où la ville connaît cette croissance démographique. Alors, juste quelques indications pour les auditeurs. On a 19 000 habitants en 1821. C'est un chiffre qui double en 20 ans. On passe à 48 000 en 1841. Hein, c'est même plus que doublé. Et qui double une seconde fois dans le quart de siècle qui suit, c'est-à-dire jusqu'en 1866, on passe à 96 000 habitants. Et une troisième fois dans le demi-siècle qui suit, puisqu'on est à 193 000. Alors, le chiffre de 1926 est quelquefois discuté en disant qu'il y a eu un traficotage, mais on est quand même largement au-dessus de 150 000 habitants en 1928. Donc c'est une croissance qui va évidemment poser de véritables défis aux municipalités successives. Il faut nourrir ces gens et les flux de proximité ne suffisent plus. Donc on va essayer maintenant de voir le rôle de la puissance publique dans l'organisation du marché au sens large, approvisionnement, distribution. Juliette, peut-être vous commencez sur les infrastructures, sur les comment la puissance publique petit à petit prend conscience. Je pense que le poids démographique a dû assez pousser au feu derrière. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre exposition à ce sujet ? Alors, pour ce qui concerne un peu ces infrastructures, ces constructions, ces bâtiments, ces aménagements, on va les retrouver à deux endroits dans l'exposition. Effectivement, ces infrastructures, elles répondent à la question comment distribuer ces denrées et comment permettre aux citoyens de s'approvisionner. Donc souvent, on va passer par un intermédiaire, justement, donc on est un petit peu loin des circuits courts, ce qu'on appelle communément le marché de gros, qui va effectivement rassembler en un même lieu un certain nombre de les denrées, les producteurs qui viennent ici pour vendre leurs produits, mais qui ne vont pas les vendre directement aux consommateurs, mais à des intermédiaires, des épiciers, des primeurs, des commerçants. Mmh. Voilà, donc ça, effectivement, la ville va effectivement s'emparer un petit peu de l'organisation, de l'aménagement, de la construction, de la rénovation de ces infrastructures, les halles, typiquement. Ça va concerner également, par exemple, tout ce qui est lié à la production de la viande, avec la gestion à la fois de l'abattage, les abattoirs, mais aussi les marchés de bestiaux, l'organisation des marchés de bestiaux sur pied, qui sont intimement liés. L'existence des abattoirs et l'existence de ces marchés sont très très liés et sont souvent rassemblés en un même lieu. Et là, très vite, c'est la question de la croissance de la ville qui va repousser petit à petit ces infrastructures dans les périphéries pour des raisons d'espace, de nuisance sonore, olfactive, surtout liées aux animaux. Et puis, ça va s'accompagner aussi d'améliorations techniques, technologiques qui vont justifier aussi que l'on repousse ces équipements sur les périphéries. La ville, elle va aussi intervenir sur l'aménagement des voiries, par exemple. On va lire sur des cartes de Saint-Étienne des embranchements ferroviaires qui permettent d'accéder directement à ces équipements. Donc on voit que cet écosystème dont on parlait, il passe aussi par cette intervention très forte, effectivement, financière, pour financer les constructions et pour faciliter cette organisation. Oui, alors on va peut-être revenir un petit peu sur les différentes étapes, sur les marchés. Donc on passe effectivement ces marchés ouverts dont Catherine parlait tout à l'heure, qui sont des marchés où il y a finalement des quantités assez modestes. Je parle un petit peu sous votre contrôle. Et puis la nécessité de ces marchés qui vont concentrer l'arrivée de la nourriture, c'est de pouvoir augmenter les volumes et faire organiser cette rencontre entre les producteurs, ou plus exactement les distributeurs, et les intermédiaires dont vous parliez, grossistes ou épiciers, voire restaurateurs aussi, je pense que oui. Les restaurateurs se... Alors, il y a un premier marché dont on parle, moi je l'ai un peu connu, j'ai assisté à sa destruction, c'est le marché couvert de Chavanel. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu son histoire? Je crois qu'on a apporté quelques images également voilà. De Chavanel. Donc il y a des photos du marché dans l'exposition. Tout à fait, oui, on a. Alors on dispose de fonds photographiques variés, oui. qui nous permettent d'avoir vraiment des témoignages voilà. Intéressants. Donc là, on a une photographie plutôt de l'extérieur, Catherine. Oui. Catherine. C'est le marché couvert. À partir des années 1920, me semble-t-il, il est décidé de couvrir ce marché qui initialement est un marché de plein vent dans un souci de salubrité. Mm-hmm. En fait, c'est pour protéger les denrées. Alors, il occupe la place Chavanel actuelle. C'est ça. C'est une espèce de triangle. Oui, c'est ça. Hein. La particularité de ce marché de Chavanel, c'est qu'il avait une double activité. Il a eu cette activité de marché de gros. Donc, sur certains horaires, l'activité était uniquement... réservé aux professionnels. Et puis, dans un deuxième temps, dans la journée, il s'ouvrait aux particuliers. Mmh. Voilà, donc d'où un peu la il peut y avoir une confusion, mais c'est vrai que c'est intéressant de l'évoquer plutôt dans son activité de gros. Et c'est la deuxième photographie qu'on a apportée où l'on voit qu'on a... ça centralise des produits de toute provenance, toute origine. Voilà, donc c'est une photographie qui nous montre, Catherine... Je pense à un intermédiaire qui est en train de transporter une caisse d'oranges qui proviennent du Maroc. Du Maroc, voilà. Donc effectivement, le circuit court, là, il s'est beaucoup rallongé. Et ce marché, évidemment, ça ne ressemble pas au hall de Paris, mais c'est un petit air un peu pavillon de Baltard. Tout à fait, hein, oui. Et alors, il a été détruit en 1970 pour aller dans un autre quartier, oui. Au Croc. Voilà, c'est ça. Donc, le marché de gros du Croc, c'est-à-dire vers le soleil. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Et donc, ce marché est beaucoup plus grand. Est-ce qu'on a une idée des différences de... Non, pas vraiment. Pas exactement. C'est au moins une dizaine de... bien plus grand de près. Ce qu'on peut voir sur les photographies, on les a pas apportées, mais on voit bien que l'organisation du marché, hein. C'est avec des poids lourds. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en centre-ville, il y a eu très vite les difficultés d'acheminement qui ont fait que ça pouvait pas rester dans ces conditions. Oui, les poids lourds sur la place Chavanel. Voilà. Je me souviens en avoir vu, mais c'est vrai que ça créait pas mal de bouleversements dans la circulation. Alors, le marché de gros, aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'il est en train de se transformer de nouveau. Alors, venons aux abattoirs. Au début, la viande, elle arrive sur pied. Il y a des endroits précis. Il y a des marchés de... il y a une place qui s'appelle, je crois, la place de la tâche aux bœufs. Donc, j'imagine que Oui. Alors, c'est vrai que les origines... Alors, c'est les traces les plus anciennes qu'on a, en fait, sur ce marché, le marché aux bestiaux. C'est dès 1670, je crois. La première notion d'abattage et de marché au bétail. Oui, on est vraiment localisé dans le fameux bourg médiéval de la ville. Et alors, les abattoirs et le marché aux bestiaux vont vraiment connaître plusieurs localisations. Alors, effectivement, la toponymie nous donne des indications. Le rue au bœuf, la tâche au bœuf. Oui. La rue du Treuil, qui évoque l'environnement des abattoirs. Alors, avant de parler un petit peu plus des abattoirs, on va écouter une petite chanson qui évoque la viande, les Charlots, 1967, Paulette, la reine des paupiettes. On a parlé d'amour et de violette, mais jamais d'amour et de paupiettes. bonne. Tous les jours à l'heure du dîner, ce chant d'amour vient gratiné. Eh bien, pour faire des paupiettes, il faut de la viande de veau, hein, si j'ai bien compris les charlots. Et les veaux, il faut les amener jusqu'à Saint-Étienne. Et donc, on n'a pas de la tâche au bœuf, on va parler des abattoirs et de l'extension que prend cette institution. Oui, dès la fin du 19e, pour être plus précis, je crois autour des années 1870, la ville est obligée d'éloigner encore les abattoirs du centre-ville, les amène vers Bergson, au mot de tiers, et construit des infrastructures qui sont, quand on voit les plans, extrêmement imposantes, avec des espaces qui sont destinés à la réception des animaux, des espaces qui sont destinés à l'abattage et des espaces qui sont destinés à la transformation, triperie, etc. Voilà. Et donc, on vous a amené une photo qui date des années 1945, donc avant que cet abattoir des Mottetières soit démoli pour aller encore un peu plus loin vers la terrasse au Chambonnet. Et l'entrée de ces abattoirs se fait par un portail monumental. On peut dire que c'est une entrée, oui, monumentale, oui. Solennelle. Avec sur le en haut le nom est de l'abattoir, et c'est bien précisé que c'est un abattoir municipal. D'ailleurs, c'est une régie. Oui. Oui, c'est une régie. Elle va durer jusque dans les années 90. Hein. Ça va être une structure gérée par la municipalité jusque dans les années 90. Alors, après, ça sera une délégation de services, et depuis 2009, ça a été vendu. Pourquoi la ville met en place une infrastructure liée à l'abattage? C'est à la fois pour des raisons de salubrité publique, parce qu'autrefois, l'abattage des animaux s'effectuait dans les arrière-boutiques des bouchers. Donc, oui, Juliette parlait tout à l'heure de cette première boucherie qui rassemblait, en fait, on l'appelait la boucherie, mais c'était plusieurs bouchers qui étaient rassemblés dans une structure. Et donc, il y a la volonté d'avoir un lieu qui regroupe tout pour contrôler la manière dont on abat et la manière dont on conserve. Ouais. Et puis, en rassemblant dans un même lieu, que ce soit pour la vente, au moment où les producteurs viennent amener leur bête, donc le marché, ou pour la vente, c'est une façon aussi de réguler les prix. Oui. Tous les marchands sont dans un même lieu et ne peuvent pas se faire une concurrence, ou en tout cas... Oui, en tout cas, la négociation des prix se fait... Elle sera plus... plus transparente. Voilà. Oui. Alors, moi, ce qui me frappe, vous l'avez bien dit, Catherine, c'est cette espèce d'aspect monumental. On a l'impression qu'on rentre dans une ville. Et moi, alors, vous avez dit fin des années... fin du 19e siècle. La photographie a été... C'est une photographie plus récente, hein. Oui. Donc, mais fin 19e siècle, ce qui me frappe, c'est la ressemblance avec l'ensemble de l'hôpital Bellevue. C'est même des pavillons qui se succèdent, qui sont avec une allée monumentale dans laquelle on peut rentrer avec des voitures. Hein. J'imagine que c'est les voitures des grossistes qui sont là. Et donc, tous ces pavillons solennels en pierre, hein, c'est pas de la brique. Hein, alors, il y a cette volonté de montrer effectivement le côté hygiéniste un peu. Oui, hein. Et l'importance de cette activité. Et votre remarque me fait penser qu'aujourd'hui, on n'imagine pas quelque chose comme ça. Déjà, bon, bah parce que les bâtiments industriels n'ont plus, on donne plus, on n'apporte plus ce soin à l'architecture industrielle parce qu'elle est vouée, parce qu'on, sans arrêt, on la transforme. Mais ça dit quelque chose, me semble-t-il, ou ça peut dire quelque chose de la façon dont on se représente aujourd'hui cette activité, c'est-à-dire que la viande, la consommation de viande, le rapport à la viande n'est plus le même qu'à cette époque. Alors, il y a une autre photo, je ne sais pas si Juliette vous la commenter. C'est donc l'arrivée des bêtes sur pied. Voilà, tout à fait. Donc cette fois-ci, on est une photographie qui est intitulée « Le marché aux veaux », mais on est bien localisé aux abattoirs des mototières. On est en 1965 et donc effectivement, on a quelques barrières et puis des veaux qui sont rassemblés avec autour d'eux des hommes. Ce ne sont que des hommes, alors oui. Sans doute des éleveurs et puis surtout, je pense, des acheteurs qui effectivement font leur choix. Oui. Voilà, et ce qui est intéressant, enfin voilà, nous, ce qui nous a aussi interpellés, c'est l'unité de lieu entre le marché des animaux au bétail. Et l'abattoir. Ouais. Alors, Catherine a dit tout à l'heure que c'était à Bergson. Et effectivement, derrière, on aperçoit la structure des anciennes aciéries Le Fleuve, hein, dont on a encore des morceaux aujourd'hui. Alors, en fait, on a transporté ce bâtiment au-delà de ce qu'était la ville. Bon, il y a le petit hameau de la terrasse, mais qui est vraiment encore un peu isolé. Bon, c'est plus le cas en 1965, mais en 1890, c'était le cas. Donc, c'est vraiment loin. Et puis, peut-être aussi pour que les effluves soient transportées par le vent. Oui. Hein. Aujourd'hui, ils sont à la Talaudière et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est à date de quelques mois, il y avait un article. Les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs. Tout à fait. Il y a une autre structure dont vous avez parlé tout à l'heure et j'aimerais quand même qu'on y revienne, c'est les halles. Parce que quelle est la différence entre les halles et puis les abattoirs et le marché de gros? Alors, les halles, c'est un marché couvert, oui. En réalité. Effectivement, elles hébergent des commerçants qui sont des forains, donc qui sont non sédentaires. Et elles sont mises en place pour, là encore, des raisons de salubrité. Dans les halles d'origine, il y a essentiellement des marchands, des bouchers. Bouchers, tripiers, donc des poissonniers. Donc des produits qui sont extrêmement, des denrées qui sont extrêmement fragiles. Et le fait de mettre ces commerces à l'abri de l'air, d'installer des équipements qui vont permettre une meilleure conservation, ça répond vraiment à... je pense que pour qualifier les halles, c'est un marché couvert et c'est un marché où le citoyen, enfin l'habitant, le Stéphanois va se rendre pour faire ses courses. Ce n'est pas un marché de gros. D'accord. Alors, ça nous amène à la question, finalement, grave question de la santé, de l'hygiène Et ce thème de la sécurité alimentaire, c'est le troisième grand thème qu'on voit dans votre exposition. Enfin, moi, je dis le troisième grand thème, il y en a d'autres, mais le troisième qui m'a frappé, on va essayer de revenir un petit peu sur ce thème. Par sécurité, il faut entendre à la fois l'aspect hygiène, mais aussi la régularité aussi de l'approvisionnement. Éviter que la ville se trouve en situation de disette. Alors, tout ça, comment peut-on l'envisager? Comment la municipalité envisage-t-elle? Est-ce qu'il y a des lois, j'imagine, des règlements qui vont apparaître petit à petit? Au départ, il n'y a rien, ou très peu de choses. Mais petit à petit, la puissance publique va se préoccuper de cette question de l'hygiène et de la sécurité. Est-ce que Juliette, vous voulez voir ? C'est vrai qu'on a du mal à qualifier ou à déterminer comment ça démarre, mais voilà, l'organisation de la ville, avec reliée à sa croissance démographique, fait que rapidement se pose la question de comment garantir effectivement cette sécurité alimentaire. Et ce mot sécurité, il peut être, comme vous l'avez dit, il est polysémique et il questionne ce sujet de l'hygiène alimentaire, de pas s'empoisonner en fait, tout simplement, mais aussi effectivement la sécurité alimentaire, c'est se sentir en sécurité dans sa capacité à manger tous les jours. Voilà, donc effectivement la ville et la commune va essayer répond de différentes manières à ces questions. Alors il y a plusieurs sujets, du coup il y a effectivement la création du laboratoire municipal d'hygiène. On va commencer par là, ouais. On va commencer par la question hygiénique et on va peut-être entendre une petite chanson qui va nous mettre dans le bain, donc de Magoyon, de Pudding à l'arsenic, que certains reconnaîtront j'imagine, puisqu'on la trouve dans le film Astérix et Cléopâtre. Pâtisserie empoisonnée, les beignets mortels, oui, macarons foudroyants, pas mal, tarte au venin de vipère, classique, clafoutis au curare, bof, oh, le pudding à l'arsenic. Ah oui. Bol de strychnine, de l'œil et de la morphine, fait tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin et un peu de poivre en grain. Non. Oh, bon. Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre et un peu de sucre en poudre. Non. Oh, bon. Versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ce serait bon. Nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des zombies. Bien, alors il n'est pas question d'arsenic aujourd'hui. Il est question de nourrir la ville. Et qu'est-ce qu'on mange? Et on ne va pas manger d'arsenic. On va revenir sur l'encadrement sanitaire et la progression de cet encadrement sanitaire au cours du 19e siècle. Donc Catherine nous a apporté un certain nombre de documents. Met en place à la fin du 19e siècle, effectivement, avec la création de deux services, le laboratoire d'analyse chimique, laboratoire municipal, qui est chargé d'analyser des échantillons qui lui sont remis soit par la ville, lors de soit qu'ils sont fournis par des services, alors services type restauration scolaire, des échantillons de compotes, de haricots verts, de petits pois, de confitures, de pâtés, enfin des choses comme ça, ou qui sont prélevés au moment de l'acheminement dans la ville, par exemple pour le lait. Donc ça peut être des prélèvements Alors ça peut être des prélèvements qui sont soit réalisés à la demande de la ville, donc au moment où des produits arrivent en ville, soit qui peuvent être apportés par des particuliers. Mais ça peut être fait par surprise, je veux dire, pour... On sait pas. Non, c'est organisé. Enfin, je ne sais pas si je comprends bien. Non, c'est-à-dire si, par exemple, la ville veut contrôler que tel ou tel marchand trafique ou a des produits qui ne sont pas de bonne qualité, est-ce qu'il peut y avoir des contrôles inopinés Alors, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre précisément. Je suppose que oui. Surtout que là, on est sur les pratiques anciennes. Actuellement, bien sûr, il y a encore un contrôle, mais en plus, il me semble qu'il y a certaines missions qui ont changé de tutelle. Oui. Donc, c'est vrai que c'est difficile peut-être de savoir quelles sont les procédures actuelles. C'est vrai que... Donc ça, c'est le laboratoire. Alors, il y a un document qui est sur le contrôle du lait. Voilà, c'est un document qui est un résultat d'analyse qui a été réalisé par le laboratoire de chimie. C'est l'hôpital La Charité qui a envoyé différents échantillons de lait qui ont été remis par différents producteurs. On a les noms et on a les conclusions. On a les conclusions. Alors, on voit qu'en fait, le laboratoire de chimie, il va vérifier... qu'il n'y a pas de bactéries. Oui. Et il va aussi vérifier que le produit, enfin, les composants sont conformes au produit. Donc, quelque part, c'est l'introduction de normes aussi. Qui n'a pas été trafiqué, qu'on n'a pas mis de l'eau, par exemple. Alors, voilà. Quand on regarde les conclusions, on voit tel échantillon, normal. Et puis, pour un autre, on voit mouillé. Ah, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu l'ajout d'eau. Mouillé, ou partiellement écrémé. Donc, c'est aussi vérifier que le produit est conforme et qu'il pourra remplir ses valeurs nutritionnelles. Voilà. D'accord. Le deuxième document est plus ancien, c'est début du 19e siècle, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est autre chose. On n'est pas dans le contrôle de la salubrité. D'accord. Je propose celui-ci qui est une affiche qui a été, alors là, pour le coup, émise par le service sanitaire vétérinaire. Le service sanitaire vétérinaire, c'est un service qui se met en place également à la fin du 19e, plus précisément en 1800, autour des années 70, 1870, avec la création d'un poste de vétérinaire qui est chargé de l'inspection des viandes. Alors, inspection de la bête sur pied, de l'animal sur pied, inspection après l'abattage, etc. Et ce service sanitaire vétérinaire qui va se structurer va élargir. Donc, il est en charge surtout du contrôle de toutes les tâches effectuées autour de la viande, mais aussi ses missions sont élargies au contrôle sanitaire des produits vendus dans les foires et marchés et halles. Et là, je vais apporter une affiche, d'ailleurs, qui est présentée dans l'exposition, qui date de, il faut que je retrouve la date, 1921, et qui signé par le maire Louis Soulier. Voilà, et qui a pour titre « Interdiction du gavage des veaux destinés à la vente ». Donc on ne gave pas que les oies, on gave aussi les veaux. Les veaux. Alors quel était l'objectif? En fait, c'était éviter que, en les ayant fait boire comme ça, ils soient plus, pèsent plus lourd et qu'il y avait une pesée. La bête sur poids et voilà, qu'on frotte sur la... Et alors donc là, il est interdit d'exposer aux ventes sur le marché aux bestiaux de la ville de Saint-Étienne des veaux qui auraient été abreuvés abusivement et qui se présenteraient les symptômes de l'indigestion par surcharge alimentaire. Oui, c'est donc assez drôle. Oui, on voit l'intention malhonnête. Voilà, c'est ça. Et donc le vétérinaire, directeur des services, est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêt. OK. Et donc ça, tout ce qui est hygiène. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus récemment, et pas seulement à l'échelle nationale, des exemples de problèmes qui peuvent se poser au niveau hygiène. Mais alors, de façon peut-être plus ancienne, la sûreté, la sécurité, c'est aussi la régularité de l'approvisionnement. C'est ça. C'est faire en sorte que c'est ce dont on parlait là tout à l'heure, c'est la sécurité, c'est aussi assurer... assurer à tous un approvisionnement, et notamment des produits dits essentiels. Et il y a toute une législation qui se met en place très vite autour du pain. Oui, qui est même antérieure à la Révolution industrielle et à la Révolution française. Oui. Puisqu'on sait que c'est une des causes de la Révolution française. On sait, à cause des émeutes. En fait, il y a cette volonté de conserver l'ordre public. De nourrir la ville. Et nourrir la ville. C'est là qu'on voit le lien entre nourrir la ville et... C'est intéressant. Donc la profession de boulanger, elle est soumise à l'exercice par une ordonnance royale de 26. Elle est soumise à l'accord du maire. C'est le maire qui délivre l'autorisation d'exercer. Alors, il y a ça, mais il y a aussi une réglementation qui définit le type de farine qui doit être vendue, la quantité, tout ça pour assurer un approvisionnement en continu. Et dans l'exposition, on montre à la fois ce règlement qui garantit la continuité de l'approvisionnement, et on montre aussi un courrier plus récent de maire adressé aux boulangers, aux commerçants, afin d'organiser leurs congés pendant la période estivale. Et là, on est toujours dans ce désir de continuité, faire en sorte qu'à proximité des habitants de la ville, il y ait des boulangeries qui puissent les approvisionner. Bien. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Juliette, cette question de la sécurité alimentaire, elle nous amène aussi à la question de la solidarité. C'est un thème que vous abordez. Notamment à travers différentes thématiques. Alors, on peut remonter très loin avec les soupes du début de la restauration, je ne sais plus comment elles s'appelaient, mais il y a aussi les soupes économiques. Puis, pendant les grèves, il y a ce qu'on a appelé les soupes communistes aussi. Et cette solidarité, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Donc, comment vous l'abordez dans l'exposition? Alors, la question des solidarités, effectivement, on l'aborde un peu à ce stade du parcours de l'exposition. Au préalable, on a, au niveau de l'encadrement par la municipalité, on a évoqué plutôt la question de l'action sociale qui est portée par la ville. Alors, actuellement, avec le Centre communal d'action sociale, donc CCAS, et dont les héritiers, enfin, le CCAS est l'héritier du bureau de bienfaisance, puis du bureau d'hygiène sociale. En fait, il change d'appellation. Il s'organise, il se structure, mais l'histoire de ce bureau d'hygiène, en fait, remonte pareil, on est au lendemain de la Révolution française, au moment où la puissance publique qui va prendre le relais des institutions religieuses, notamment de ce qui se faisait à l'hôpital de la Charité. On parlait de la boulangerie. Mais on garde quand même cette expression bienfaisance qui vient bien la dimension qui est très évocatrice, ouais. Oui, tout à fait. Alors, voilà, qui disparaît après avec le bureau d'hygiène sociale. Et la notion d'hygiène apparaît. Alors, bien sûr, ce bureau d'hygiène sociale intervient dans de nombreux champs et l'alimentation en fait partie. Et par exemple, il va y avoir la... Je cherche, mais je ne trouve pas. Actuellement, en tout cas, le CCAS organise un certain nombre de distributions de repas, par exemple aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, organise les repas dans les résidences pour personnes âgées, met en place la distribution de tickets de restauration. On est encore dans cet héritage vraiment de la prise en charge des personnes en précarité. Alors peut-être précarité sociale, enfin ou dans leur mode de vie, mais aussi très vite la précarité directement liée à la situation de chômage, par exemple, pendant les guerres, pendant les mouvements de grève. Et puis on est allé même jusqu'à la dernière crise, la crise sanitaire actuelle, qui a aussi révélé des précarités assez fortes. Donc en fait, ces différentes instances qui changent de nom interviennent vraiment auprès des populations, les identifient, interviennent auprès de leurs familles également. Donc il y a vraiment tout un réseau d'interventions qui se met en place. Oui, ce qui nous montre que la municipalité travaille. Il ne faudrait pas que les gens l'oublient quand même, qu'il y a beaucoup de services qui servent à faire, fonctionner, aider la population à vivre quand elle est en difficulté. Alors, ma remarque, elle a pour but de dire que votre exposition, elle est bien plus large que tout ce qu'on vient d'en dire. Et il y a notamment toute la question du privé. On parle des supermarchés, on parle des épiceries. On parle aussi de la valorisation de certains produits, je pense au chocolat ou au café. Donc, c'est pour que le public aille aussi la voir, cette exposition. Avant de parler de la façon dont vous l'avez faite, je voudrais simplement signaler que l'exposition se tient dans l'espace qui entoure les archives municipales, 164 cours Fauriel, donc entre le rond-point et l'école des mines. Les heures d'ouverture, c'est de 10h à 17h30 le lundi et de 8h45 à 17h30 du mardi au vendredi jusqu'au 4 juin. L'essentiel donc est visible dans l'espace qui entoure le bâtiment et il y a aussi quelque chose à voir à l'intérieur. Et pour ça, par contre, il faudra présenter le pass sanitaire. Mais vu le sujet de l'exposition, je dirais c'est normal. Alors, vous avez travaillé pour cette exposition avec les services municipaux, avec des chercheurs spécialisés dans l'histoire de l'alimentation. Et puis, j'ai noté tout un tas de structures qui révèlent le foisonnement de la vie associative stéphanoise. Bon, j'ai noté la MAP, de la ferme au quartier, les jardins Volpette, les maisons de quartier du Babet. Est-ce que vous pouvez rapidement nous évoquer ces structures, comment vous avez travaillé avec eux, et pour finir, les personnes qui ont mis en scène cette exposition. Alors, c'est une exposition qui nous a amené à contacter beaucoup d'interlocuteurs, puisque c'est un sujet qui nous traverse tous quotidiennement, et d'autant plus, effectivement, avec... tous ces nouveaux questionnements qu'on a évoqués ce matin. Beaucoup de questionnements nouveaux sur comment s'approvisionner, par quels moyens. Sur la métropole de Saint-Étienne, effectivement, on constate qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Donc, vous en avez cité quelques-uns. Il y a eu également la Fourmilière, la Ferme en Chantier, la Fédération des Jardins Familiaux. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est aussi une façon de produire pour soi, dans une visée même d'autonomie alimentaire. Et on les a rencontrés, on en a visité. On a fait beaucoup, beaucoup d'entretiens avec toutes ces personnes. On était un petit peu en difficulté car on était dans une période où les rendez-vous étaient compliqués. Oui, oui. Mais on a vraiment pu contacter beaucoup d'interlocuteurs. On peut entendre certains de ces entretiens ? C'était des entretiens de travail, on ne les a pas enregistrés. D'accord. Et on a aussi ça nous a permis aussi de travailler avec les services municipaux. La porte d'entrée par les espaces verts qui nous ont aidés à aménager notre petit jardin potager et puis à fabriquer les bacs qui viennent les accueillir. Mais aussi la direction de l'éducation pour la question de la restauration scolaire, évidemment le service des solidarités seniors par rapport à cette question de l'action sociale, la direction du développement territorial, là on est à Saint-Étienne Métropole et qui incarne vraiment cette question de la transition alimentaire et agricole et qui ont été aussi précieux pour nous permettre de percevoir l'actualité du sujet. Avec cette notion de gouvernance alimentaire territoriale qui émerge maintenant. Voilà un peu pour les principaux interlocuteurs. Je trouve que cette exposition s'avère être d'une très grande richesse, à la fois par la façon dont elle a été conçue et par les thèmes qu'elle aborde. Et encore une fois, j'invite le public à venir la visiter. Donc je rappelle, aux archives municipales, 164 cours Fauriel, c'est proche du rond-point et c'est ouvert pratiquement tous les jours de la semaine, enfin du lundi au vendredi. La seule restriction, c'est que le lundi, ça commence à 10h et non pas à 8h45. Et c'est visible facilement puisque l'espace est ouvert. Alors pour terminer, je voudrais faire quelques annonces. Samuel, j'ai encore quelques minutes. Alors, d'abord, j'invite le public à aller consulter le site du Grémos, nouveau site que nous avons complètement transformé, grémos.fr. Donc là, nous avons acheté le nom de domaine, donc du coup, c'est facile à trouver. Et ce site, eh bien, nous l'alimentons régulièrement. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent intéresser le public. Prochainement, on y trouvera les liens pour aller écouter des anciennes émissions. On en a plus de 90 qui ont été enregistrées quand même. D'autre part, on va trouver de plus en plus des références bibliographiques puisqu'on a travaillé à un catalogue exhaustif des sources sur l'histoire ouvrière dans les différents lieux, notamment les archives municipales. Et en ce qui concerne l'agenda, ce soir, donc à 20h45, jeudi, 19h à 20h45, jeudi 20 janvier 2022, je précise la date parce que quand on l'écoutera dans 10 ans, une discussion débat avec Michel Zancarini, Fournel et Claude Gauthier qui viennent de publier le livre « De la défense des savoirs critiques », un livre qui s'inscrit dans le contexte des attaques récentes contre l'université et l'autonomie des chercheurs. Demain soir, vendredi 21 janvier 2022 à 18h30 à la CAL amicale laïque du Crédroc en partenariat avec le master Alterville, présentation et discussion autour du livre Démobiliser les quartiers, enquête sur les pratiques de gouvernement en milieu populaire. Parmi les auteurs, on notera la présence de Morane Chavanon que nous avons enregistrée ici même il y a 2 ans. Enfin, je rappelle que le Grémos est associé avec le Cinémathèque à l'occasion du centenaire de cette vénérable institution et que la Cinémathèque nous a demandé de présenter 3 séances autour du Ciné-Journal créé en 1927 par le maire Louis Soulier dont nous avons parlé dans cette exposition. Eh bien, je vous remercie Catherine, Juliette, Samuel et je vous dis à tous au mois de février pour la prochaine émission de Grémos. Merci. Merci. Ah, si, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, Samuel. L'émission est rediffusée ce soir à jeudi 20 janvier à 19h et demain matin à 8h, vendredi 21 janvier 2022. Encore merci et à bientôt.